Parler de hockey mineur à Adelboom-Mistassini avec le président de Danny Lavoie. Salut, Danny. Oui, Salut, ça ça va va? bien, ça va bien. Hey, Danny, les Castors, ça va bien. C'est le fun cette année, j'ai l'impression, parce que pour avoir Oui. couvrir les Castors, c'est sûr, je joue pas au match. Je trouve qu'on a décollé 4 les semaines avec les différents entraîneurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe. Je pense que ça remonte aux frères Martin. Je sais pas si tu suivais les Castors dans le temps, là, mais les. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que c'est à ça que je pensais cette semaine. J'ai fait un peu le même genre de lien que toi. Écoute, je regardais les débuts de saison. Après 4 parties, 3 belles victoires, beaucoup d'offensives. Ils sont premiers après 4 parties pour l'offensive. C'est sûr qu'il est tôt dans la saison, là, mais je pense que ça regarde super bien. Puis il donne un bon spectacle, Ah oui, puis écoute, Daniel fait quand même un bon travail. Puis ça n'a pas été facile parce que ah l'année oui. passée, tu sais, ça fait des années que l'équipe va pas bien. Fait qu'il a fallu qu'il travaille sur le positif aussi, je pense, là. Ah oui, il y a eu une grosse job. Les coachs en place ont fait beaucoup de travail. Puis je pense qu'aussi, il y a une bonne partie du mérite qui revient aux jeunes parce qu'ils sont motivés cette année. Ils veulent changer les choses. Fait que c'est plaisant de voir ça. OK. Ça Oui. annonce bien. Début de la simple lettre aussi. Oui, cette fin de semaine, pour certaines équipes, ça va être le début pour la saison du simplet. Ensuite, la fin de semaine prochaine aussi, ça va se poursuivre. Donc, il va nous rester seulement le novice à décoller au mois de novembre, quand les leçons MAC vont être terminées. Donc, c'est parti. La saison se met en branle pour un peu tout le monde. Fait qu'on va pouvoir voir où on se situe au niveau du calibre versus les autres équipes. En autant que nos jeunes puissent s'amuser et se développer, Ben ça oui, va être important ben cette oui. année. Hey, dis-moi, des entraîneurs au niveau simplet, ça a été facile à trouver aussi? Ça a été dans l'ensemble assez facile, excepté pour certaines équipes là où ce que vers la fin il a fallu travailler un petit peu plus fort pour avoir des entraîneurs, mais on a réussi à en trouver pour toutes les équipes. Donc on se compte chanceux encore une fois les parabénévoles Ben qui ont oui. pu s'impliquer pour permettre aux jeunes de Les progresser. réunions maintenant, les réunions du côté du hockey, parce qu'on sait que les tournois s'en viennent. À Dolbeau, c'était au mois de novembre, donc Oui. c'est commencé pour les réunions aussi. Oui, beaucoup de parents et beaucoup de bénévoles qui s'impliquent encore. On a beaucoup de gens qui reviennent. Fait que c'est plaisant de voir qu'on a une rétention au niveau des bénévoles qui restent impliqués dans les tournois. Il y a quand même un roulement au niveau des bénévoles, mais il y a toujours un noyau qui revient. Fait que c'est facilitant. Donc, oui, on a les deux premiers tournois majeurs qui s'en viennent. Donc, je sais que les inscriptions, ça rentre, ça va bien de ce côté-là aussi. Fait qu'on devrait avoir encore des belles éditions cette année. OK. Donc, rappelle-toi, Bantam, c'est quand, hein? Puis le tour, puis oui, c'est. Pour le temps. Le tournoi Bantam est toujours au début de novembre, qui est suivi ensuite la fin de semaine après du tournoi. OK. C'est deux tournois collés ensemble qui sont Puis mûrs. pour le temps du CFP, il n'y a pas de changement. Pour l'instant, non, mais ça aussi, ça va décoller, là, puis on va sûrement avoir des nouvelles pour ce tournoi-là prochainement. Là. OK. Ben ça fait pas mal le tour également. Je sais qu'il y avait une réunion cette semaine aussi. J'ai vu ça passer sur les médias sociaux. Une réunion pour les gérants. C'était obligatoire. Je pense que c'était hier à la réunion de Bissassini, hein? Oui, c'était hier soir. Beaucoup de nouveaux gérants, beaucoup d'anciens gérants aussi qui devaient recevoir les cartables, les ajustements sur le fonctionnement de la gérance pour permettre aux équipes de bien fonctionner. Dans le fond, le rôle des gérants, c'est ce qu'on veut, c'est qu'ils servent de lien entre l'entraîneur, les parents, les joueurs, puis qu'ils s'occupent un petit peu de la logistique pour soulager les entraîneurs, là. On parle de l'inscription des tournois, les relations avec la Ligue, etc. OK. Ça, c'est quand même assez prenant pour eux autres, hein? Oui, ben écoutez, les gens qui veulent s'impliquer pour faire la gérance d'une équipe, il faut qu'il y ait du temps à donner, beaucoup de logistique à faire. Juste par exemple, aller faire une recherche de commanditaire, essayer d'impliquer les parents, s'occuper des inscriptions pour les tournois, après ça, faire les liens avec les autres équipes et la Ligue, ben ça prend déjà beaucoup, beaucoup de temps. Fait que un entraîneur tout seul ne peut pas faire ça. C'est sûr qu'avec un bon gérant, c'est vraiment. C'est quand une année pour simple lettre, je pense que c'est 20 000 $ à peu près pour une année, faire une année simple lettre. Ben, c'est un petit peu moins dispendieux que ça parce que ces budgets-là, que tu Ouais. parles de 20 à 25 000, ça se retrouve surtout pour les équipes de OK, développement, donc OK. la double lettre. Pour les catégories simple lettre, le budget est inférieur. C'est un peu moins dispendieux là, parce qu'il y a moins de matchs à jouer, Ouais. moins de déplacements, un petit peu moins de frais associés parce qu'on va moins jouer loin que des équipes double lettre. Comme par exemple, on va pas sur la Côte-Nord, on se déplace pas dans ces endroits-là. Donc, c'est moins dispendieux. Les budgets sont plus limités un peu. Mais ça prend des bons fonds de roulement parce qu'on pense à 3 ou 4 tournois, donc des institutions à payer. Puis il y a tout le temps plusieurs parents, plusieurs équipes qui aiment ça faire donner des gestes aux enfants pour avoir un sentiment d'appartenance à l'équipe. Okay. Ben, Danny, on se reparle mercredi ou jeudi prochain. Yes, sir. C'est la chronique du hockey mineur de Boom Sassini.